Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, FM 89.1 à Trois-Rivières. Et mon nom est Jimmy Farley et je vais être avec vous pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures-là, on va entendre Inner Prospect d'Italie, Spectrum Orchestrum de France, Sissy Guy des États-Unis, Adam Nitti des États-Unis, Spock's Beard des États-Unis, Asgard d'Italie, Invisigo des États-Unis, 35 Tapes de Norvège, Alifi de France et Sons of Apollo des États-Unis. Alors, on débute le premier bloc de l'émission avec l'album de la semaine. Et aujourd'hui, l'album que j'ai retenu pour vous, c'est le dernier opus de Inner Prospect. Inner Prospect, c'est le projet parallèle du claviériste de la formation italienne Mad Crayon. Son nom, c'est Alessandro Di Benedetti. Et pour ce projet parallèle, il est rendu à son 11e album studio. L'album s'intitule Canvas 2. C'est un album qui contient 8 pièces pour un total de 65 minutes. Et les deux pièces que j'ai choisies pour vous, mais c'est Soul of 100 Lives et Why Me. Et juste avant de débuter, un petit mot de Alessandro Di Benedetti pour les auditeurs de Rock de Neurones. Hello, je suis Alessandro Di Benedetti du groupe Inner Prospect d'Italie. Et vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de CF ou les FM de Trois-Rivières. Ciao! tan, all our gentle manners, it wasn't bad. I remember every detail as time goes by, adding some to the old ones. When I was a sailor man, I knew that she was already in there. Fortune tell and deception sell, didn't tell to force myself. What? previous nights. So I am alone again with my own pain and a new name. Here I ever asking why. on you. The way you look at me from behind your glasses said a lot about your crude and bleak. Those about me you could have done, you could have said, instead of getting lost in your dreams. But you didn't care. Thank you. l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Ce que vous avez entendu avant la pause, ce sont deux extraits du dernier album de la formation italienne Inner Prospect. L'album s'intitule Canvas 2 et on a entendu Why Me et Soul of 100 Lives. Maintenant, j'ai un album de la France qui est sorti en juin 2020. Le groupe s'appelle Spectrum Orchestrum. Ils ont fait paraître Suburbs, c'est le quatrième album que moi j'ai dénombré. Et je vais vous proposer la pièce titre de l'album, donc Suburbs. Et ensuite, on aura Syzygy, qui est une formation américaine, avec trois albums studio entre 1993 et 2009. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Moth. Ça, c'est tiré de The Allegory of Light, qui est paru en 2003. Et ensuite, pour conclure, on aura un musicien américain. En fait, c'est un bassiste du nom de Adam Nitti. C'est un musicien studio. Il a aussi cinq albums à son actif, dont le plus récent qui s'intitule « The World is Loud ». Et la pièce que vous allez entendre, c'est « Truth Seeker ». Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Un petit regard dans le rétroviseur pour identifier ce qu'on a entendu avant la pause. Eh bien, c'était Adam Nitti et la pièce Truth Seeker. Ça, c'est tiré de son cinquième album, The World is Loud. Et auparavant, on avait Sizigi des États-Unis et la pièce Moth tirée de Allegory of Light. Et en début de bloc, on avait Spectrum Orchestrum de France et la pièce titre de l'album Suburbs. Maintenant, je vais faire un petit tour du côté des États-Unis avec un Spocksbeard, qui a été quand même un groupe fort là, dans le rock progressif. Ils ont été très actifs pendant deux décennies, entre 1996 et 2014. C'est le groupe qui a vu naître des artistes comme Neil Morse et Nick Virgilio. Ils ont plusieurs albums studio, des compilations, ils ont aussi des DVD, des albums en spectacle. Et aujourd'hui, bien, j'ai retenu un album qui est paru en 1998. L'album s'intitule « From the Vault » et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est « Stratus ». Ensuite, on va aller du côté de l'Italie avec le groupe Asgard. C'est un groupe qui est actif encore maintenant, qui a débuté en 1991. On leur doit 6 albums, dont le plus récent en 2020 qui s'intitule « Ragnarok ». Et la pièce que j'ai extraite, c'est la pièce titre de l'album. Et on va conclure avec la formation américaine Invisigo qu'on a entendue la semaine dernière. C'est un groupe qui a 2 albums en 2007 et 2008. La semaine passée, on a entendu un extrait de l'album Narcotica de 2008. Et cette semaine, bien, on remet ça avec la pièce No Quarter qui est tirée de l'album précédent, Alcoholocaust. We'll be right back.

authority you give them. We give them happiness, and they give us authority. The authority to take away their freedom under the guise of democracy. Men can never be free, because they're weak, corrupt, worthless, and restless. The people believe in authority. They've grown tired of waiting for miracle and mystery. Science is their religion. No greater explanation exists for them. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant la pause, on avait la formation américaine Invisigoth et la pièce No Quarter tirée de Alcohol Low Cost. Et ça avait été précédé par Asgard, qui est une formation italienne. Et on a entendu la pièce titre de l'album Ragnarok. Et en début de bloc, on avait Spock's Beard et la pièce Stratus. Ça, c'est extrait de From the Vault. Maintenant, avant de débuter le quatrième et dernier bloc de l'émission, j'aimerais rappeler aux auditeurs que si vous cherchez l'information concernant les pièces et les artistes qui ont été diffusés aujourd'hui, bien, je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones. Il y a un groupe du nom de 35 Tapes qui vient de faire paraître son deuxième album. L'album s'intitule Home et j'ai extrait la pièce Épilogue. Ensuite, on aura de France le groupe Alifi. C'est un groupe qu'on a entendu la semaine dernière avec un extrait de l'album Être de l'Opium. Et aujourd'hui, on reprend ça avec la pièce titre de l'album. Et pour conclure l'émission, on aura Sons of Apollo, qu'on connaît très bien ici. C'est un groupe qu'on entend à l'occasion. En 2019, ils ont fait paraître un album spectacle qui a été enregistré en Bulgarie avec l'orchestre The Plovdiv Psychotic Symphony. C'est un album qui contient deux CD. C'est aussi repris en format DVD. Ils ont plusieurs reprises sur ce spectacle-là, notamment Cashmere du groupe Led Zeppelin et Comfortably Numb de Pink Floyd. Et c'est cet extrait-là qu'on va entendre. Étendu sur un tapis, et les Is there anyone home? Come on now, I hear you feeling down, but I can ease the pain, get you on your feet again. Relax, I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain, you are receding. A distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say.